café désert. Mes copains sont venus, ils ont levé leur verre à des filles inconnues. Mais je les entendais se moquer de l'amour. J'avais le cœur serré. Ça ne sert à rien, ce bleu, ouais, tout ce bleu, là, dans tes yeux. Ça ne sert à rien, si toi, tu n'y crois pas, à nous deux. Sans me voir, mes copains, ils ne pensaient qu'à boire, en riant pour rien. L'un d'eux a dit de moi, il y croit comme toujours, cette fois ça durera quelques jours, quelques jours. Ça ne sert à rien, ce bleu. Ça ne sert à rien si toi tu n'y crois pas à nous deux. Dans ce café tout gris, je t'attends, je t'attends. Mes copains sont partis et j'ai très peur brusquement. Mais soudain te voilà, tu souris comme toujours. Mais tu es dans mes bras, mon amour, mon amour. Ça ne sert à rien, ce bleu, ouais, tout ce bleu. Là, dans tes yeux, ça ne sert à rien si toi tu n'y crois pas à nous deux. Ça ne sert à rien, mais moi, moi. Moi je veux croire à nous deux.